Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est une période privilégiée où chacun peut se reposer et se ressourcer. Afin de démarrer la nouvelle année en force, je vous demande de respecter les consignes gouvernementales. En diminuant nos contacts au minimum, nous pourrons ainsi réduire la contagion de la COVID-19. Profitez de cette période pour encourager nos commerçants et artisans locaux qui ont grandement besoin de votre soutien. Leurs produits sont uniques et seront appréciés, j'en suis certain. Passez un beau temps des fêtes et bonne année 2021. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année. Que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien Chevrolet, au 762 boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi, Pascal Cloutier, pour vous offrir des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Après une année mouvementée, que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers et qu'elle soit le prélude d'une bonne année 2021. On va parler de ski, de ski de fond. Le centre de ski de Domiski va ouvrir une autre saison cette année, une année particulière évidemment en raison de la COVID. Et on va parler avec une nouvelle personne qui s'occupe maintenant du dossier de la Domiski, c'est Jeannot Tremblay. Salut Jeannot! Oui, salut Danny, c'est un plaisir d'être là après-midi avec toi. Oui, merci beaucoup. Jeannot, d'abord, c'est une année particulière cette année, hein? Très particulière, on a ça. Ben écoute, une année particulière, je pense que Danny, tout le monde est au courant un petit peu là, que c'est pas évident. On vit des situations là, qui sont pas évidentes. On n'a pas l'habitude hein, de gérer des situations comme ça. Par contre, ce qu'on doit vous dire, c'est que nous, au centre plein air à Domiski, avec la collaboration de l'Association des stations de ski du Québec, on travaille très fort pour rendre le centre dans des conditions d'hygiène exceptionnelles, donc qui vont répondre aux standards. Alors, on est là-dessus, Danny. On prépare le centre. Il y a plusieurs, dans le fond, les skieurs, les planchistes, ils vont devoir, dans le fond, prendre le temps de prendre connaissance des consignes. Donc, à l'arrivée, des skieurs, des planchistes, ou encore de ceux qui vont venir glisser, ou encore le ski de fond, ils vont devoir obligatoirement donner leur nom. Okay. Leur nom, leur numéro de téléphone. Donc, on va devoir tenir un registre. OK. Donc les skieurs alors, qui vont venir au centre de ski de Domiski cette année devront avoir un registre, c'est ça? Devront donner leur nom. Alors, ils devront compléter. Ils vont devoir compléter un registre à leur arrivée. Puis, si on veut. Ça, on va aller un petit peu plus rapide, OK, dans l'inscription ou encore obtenir leur billet leur journalier. On a investi cette année pour que le site web du centre plein air Domiski soit un site transactionnel. OK. Donc, les jeunes, les moins jeunes, ils pourront aller acheter le billet journalier. Puis on recommande fortement que les gens puissent s'habituer à aller acheter leurs billets sur le site web de domiski.com et de payer leurs billets d'avance. Et nous, on va tenir à jour la liste de tous ceux et celles qui vont avoir payé d'avance leurs billets, ce qui va faire en sorte que lorsqu'ils vont arriver à Domiski, ça va être plus rapide okay, d'aller à la remontée mécanique ou encore de pratiquer leur sport en plein air. OK. Donc, ça va être plus rapide. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres mesures aussi, plus contraignantes aussi, qui concernant la COVID cette année? Est-ce qu'il y a un registre, tu viens de me le dire, il va falloir s'inscrire, mais par la suite, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses plus sanitaires? Alors, la question est bonne, Danny. On va essayer de mettre ça dans sa plus simple expression parce que c'est pas toujours évident. Mm. Il y a toujours le registre, comme on a parlé tout à l'heure. Mm. Il va toujours avoir également la condition d'être à 2 mètres de son voisin. Il va avoir le masque. Même dès l'extérieur? Qui est obligatoire. Alors, à l'extérieur, Danny... les usagers pourront là, mettre un foulard, OK, en avant de leur bouche, mais j'ai dit masque, dans le fond, c'est que le foulard va devoir jouer le rôle du masque, tu comprends? Donc, le cache-cou devra être mis là jusque comme si c'était un masque. Donc, par-dessus le nez, la bouche, tu vois là, un petit peu là, le principe, là. Les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques. Alors, encore une fois, on essaie de mettre ça sa plus simple expression. Chaque bulle. Donc, on est rendu bon là, dans les termes là, des bulles, là. Chaque bulle va devoir respecter le fait qui embarque dans un siège à la fois. Donc, si un membre de la même famille sont deux, ils pourront embarquer toutes les deux, OK, dans un siège de remontée. Par contre, deux adresses différentes, ben, ils vont devoir utiliser un banc à la fois. Donc, Et on invite, dans, puis ça, c'est vraiment important ce que je vais dire là. On invite les gens à s'habiller à la maison avant même de se présenter à Domiski parce que il y aura un nombre maximum de personnes qui vont pouvoir aller se réchauffer à l'intérieur du chalet. Ben, c'est et le on a mis concept nous des commerces, c'est le même concept des commerces, c'est 200, c'est quoi, de 200 pieds carrés, c'est ça? bon, exactement OK. ça. Alors nous on est capable nous d'accueillir entre 25 et 30 personnes à la fois maximum. Ouais. Sur des rotations de 15 minutes. Donc, nous, il y a une personne qui est attitrée spécialement aux mesures d'hygiène COVID et il y aura des rotations, il y aura une surveillance. Encore une fois, on va demander la généreuse collaboration de tout le monde, mais il y aura des certaines réglementations qui vont devoir être imposé si on veut être juste avec tout le monde. Est-ce que tu as peur que vraiment c'est commence à être lourd tout ça, là, que ça décourage du monde ou les gens de parce que ça fait quand même quelques semaines que vous êtes ouvert, est-ce que vous êtes en prévente et ainsi de suite? Est-ce que les gens sont quand même collaborent là-dessus? Bon, tu l'as bien dit, là, la prévente, elle a duré 2 semaines. Ouais. Alors, elle s'est terminée le 13 décembre. On a rencontré quand même au-delà de 200 personnes qui ont pris leur passe annuelle. C'est quand même très bon. C'est un petit peu d'années en bas de la moyenne, mais cette baisse-là, elle est constatée partout à travers les autres stations du Québec. Donc, il y a une légère baisse. Donc, c'est normal. OK, c'est normal. Moi, ce que je te dirais, là, en fin de semaine, je suis allé faire un petit tour encore, faire du ski de fond, parce que nos sentiers sont extraordinaires. OK? Ce qui était là, de toute beauté de voir, c'était du monde qui faisait du ski de fond, du monde qui faisait de la raquette, du monde qui faisait du fat bike, en toute sécurité, en tout respect des règles. Et les gens ont besoin de Ouais, sortir, ils ont besoin c'est d'être clair. en plein air. Nous, là, on ne veut pas jouer la police. C'est sûr que c'est lourd. Mais si par exemple, je vous le dis, si par exemple les gens décident d'acheter en avance le billet sur le site, déjà là, ils vont sauver du temps, des procédures. Si les gens vont, en arrivant, vont donner le nom, ça va se faire très rapidement aussi, malgré tout. Puis qu'ils viennent, puis qu'ils vont dans les remontées mécaniques, puis qu'ils sont patients, puis qu'ils profitent du fait qu'on est en plein air. Je pense qu'il faut voir le bon côté des choses. Si on s'arrête sur le négatif, ça va être pénible. Mais pensons que l'année passée, on se rappelle, on avait des conditions exceptionnelles. Je ne reviens pas là-dessus, mais on est obligé de fermer nos centres, de rester chez nous. Mais là, c'est contraire à ce qu'on a vécu ce printemps. Nos centres sont ouverts. Ils vont demeurer ouverts. Ça, là, c'est bon de le dire. Ils vont demeurer ouverts à condition. Puis je vous le dis, hein, on est chanceux qu'on soit ouvert, mais la condition est bien simple. C'est qu'on ait une pensée positive sur les gestes qu'on doit poser pour garder nos centres ouverts. Donc, Et on va travailler fort. on va faire une pause, parce qu'il y a beaucoup de pauses dans le temps des fêtes, puis je veux te parler des nouveautés, où est-ce que ça en est rendu, le dossier du chalet, donc tout ça. Vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Jeannot Tremblay, responsable du centre de ski de Domiski sur les ondes de danadosport.com. L'équipe Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant toute l'année dernière. Polaire 3, au 373 Avenue de la Friche, à Dolbeau-Mistassini, au numéro 418-276-5018 ou polaire3.com. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. De Météo GBL profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard Gagnon à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88-276-6102. Section du club de golf de Chibougamau, Chaparral. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? La période des fêtes est un bon temps pour se faire. La période des fêtes est un bon temps pour se faire. Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. On est de retour à danradiosport.com avec Tremblay, responsable du centre de ski de Domiski cette année. Jeannot, on a parlé des mesures sanitaires qui sont énormes cette année. Là, maintenant, on va parler des nouveautés. C'est toujours quelque chose que je faisais cette année. Ta première année à la tête du Domiski, comment tu trouves ça? Ben, Danny, historiquement, j'ai commencé, moi, ma carrière à Domiski. OK, donc tu connais ça. Je devrais pas te dire le nombre d'années, là, mais à l'époque, j'avais 23 ans, puis là, j'en ai 48. Donc, ceux qui font un calcul rapide, ça fait pas loin de... Je sais pas, ça fait peut-être 25 ans de ça. J'ai débuté, moi, à Domiski. La raison pour laquelle, aujourd'hui, je suis de retour, c'est que Touriste Dolbeau-Mistassini a un conseil d'administration. On a le mandat actuellement de gérer, nous, le camping des Chutes, le camping Vauvert, les chalets locatifs, le centre touristique Vauvert. Et... personne n'est en savoir que les comités bénévoles sont de moins en moins disponibles. Donc, ils nous ont approchés pour nous demander si c'était possible de s'occuper de la gestion des opérations du centre Domiski suite, dans le fond, au départ de notre bon ami là, Dave Lamontagne, qui a fait un excellent travail au cours des trois dernières années. Alors, à travers tout ça, bien, on a accepté le défi. On a l'objectif, dans le fond, c'est pas compliqué, c'est que nos campings, c'est des opérations estivales, puis les Domiski, c'est des opérations hivernales. Y a-t-il lieu, éventuellement, d'avoir les mêmes ressources qui pourraient travailler l'hiver à Domiski, l'été au camping des Chutes, Vauvert, donc créer, créer des postes à temps plein annuels? Donc, le temps va nous le confirmer, mais pour l'instant, le défi, là, il est là. Puis on a une belle équipe là, qui est en place. Donc, il y a Jocelyn, Potvin, qui a débuté il y a 9 ans à Domiski. Donc, Jocelyn, il va être le coordonnateur terrain, OK, pour la saison là, 2020-2021. Donc, toute la gestion des horaires, après ça, la gestion de l'ouverture, de la fermeture, de l'entretien. Donc, Jocelyn, là, il va être à la coordination, il va me donner un bon coup de main. Les employés aussi reviennent. Régent Bouchard. Donc, on a une belle équipe là, qui est en place. Bernard aussi aux remontées, des jeunes au glissade d'Antube. Il y a les patrouilleurs qui sont là aussi, qui donnent un excellent coup de main, qui viennent sécuriser là, les pentes. Il y a également là, des professeurs de l'école de ski, donc qui sont disponibles aussi. Alors, honnêtement, on se prépare à une très belle saison. Puis on souhaite que la population se donne rendez-vous à Domiski. C'est à côté, c'est accessible. On le dit souvent, c'est sécuritaire. Donc, oui, il y a des jeunes, oui, il y a des moins jeunes. C'est un centre là, hein, qui a besoin d'être fréquenté pour redécouvrir, dans le fond, l'accessibilité là, de toutes les pistes de ski de fond qui sont là, des pistes de raquettes, les pentes de ski, les modules de jeu que Desjardins a commandité l'année dernière, qui a fait fureur l'an passé. Alors, on est prêt. Ce matin, je parlais avec l'équipe. Puis on est dans les derniers petits détails, mais on l'a dit aussi d'entrée de jeu, c'est nouveau cette année. On va sûrement faire des erreurs. Encore une fois, on va demander la collaboration des gens, mais on travaille très fort pour que ça soit impeccable. Les nouveautés, c'est quoi cette année? Y a-tu des nouveautés? Y a-tu quelque chose d'intéressant? Donc, les nouveautés cette année, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure. Tout le système de transaction sur le site web, ça c'est une nouveauté chez nous. On a réaménagé les modules de jeu pour le parc de planches à neige pour que les modules soient encore plus accessibles à nos jeunes et moins jeunes. On a également travaillé la pente école. Donc, on a une excellente collaboration des travaux publics avec toutes les terres qui sont la terre qui s'est transportée cet été. Donc, on a amélioré la pente école. Notre sentier de ski de fond, on a refait des ponçons avec les subventions que la ville de Delbault-Mistassini nous a données, la MRC Maria Chapdelaine aussi. Donc, on a eu quelqu'un à temps plein qui a travaillé tout l'été à améliorer les sentiers de ski de fond, alors les ponceaux. Fait que, tu sais, Danny, là, ce qui nous reste, c'est une chose qui nous reste à régler, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est juste du Québec. Ben, il y a les Jeux du Québec, il y a les Jeux du Québec. Puis avant d'accueillir nos Jeux du Québec, mais il nous reste un projet à régler, puis c'est le projet de notre président. C'est pas le garant, mais le chalet, c'est-à-dire. J'allume, là. Exactement. Mais, par contre, c'est les Jeux du Québec, tu peux mettre, il y a des subventions là-dessus, là, pour faire ton chalet. Donc, nous autres, là, dans l'île, on a encore notre président, là, qui est Stéphane Leroyer. Puis, Stéphane Leroyer, actuellement, il y a, à Domiski, il y a un siège au sein du conseil d'administration. Puis, il restait encore un dossier à régler dans son mandat. Puis, c'était le dossier là, du chalet. Donc, c'est un dossier là, qui est pas mort. Bien au contraire, on est tous conscients qu'on en a besoin. On a une très bonne collaboration de la ville aussi là, hein, par rapport à ce dossier-là. On a des étapes à franchir avant. On va s'entendre sur un plan. On va s'entendre sur nos besoins. Les besoins de la clientèle aussi. Et quand on va tout bien régler cette question-là, on va cogner aux bonnes portes, puis on va travailler avec le milieu, puis on va s'assurer de livrer un projet qui va répondre aux attentes de nos jeunes puis de nos moins jeunes. Benjano, bravo, félicitations et bonne chance pour ton nouveau défi. Et au plaisir de se parler à la fin de l'année pour un bilan. Si je gêne pas s'il y a quelque chose dans radiosport.com, on est là pour ça. C'est toujours le bienvenu, Danny. C'est un plaisir. Merci. Le responsable du centre de ski de Domiski.